Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25$ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. ckrl.qc.ca. J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure. Je ne regrette pas la guillotine, je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures. Je suis, je le répète, politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je n'ai rien contre les mosquées, je ne me sens pas menacé par les minarets. Je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, forcément coquets. Je suis une tapette politiquement correcte, et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue, laïque pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Bruno et Michel, on est avec vous jusqu'à minuit. Quelques nouveautés, même pas mal de nouveautés à l'horizon. Donc, installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de prog. Et ce soir, on amorce avec un groupe d'Ottawa qui a pour nom de Nightwatch. Et c'est pas une nouveauté, mais c'est parce qu'on a annoncé cette semaine que c'était de Nightwatch qui donnerait le coup d'envoi de la soirée du concert d'Eden Song le 15 avril au Centre d'art La Chapelle. Ça fait qu'on souligne la nouvelle, donc c'est de Nightwatch qui va ouvrir pour Eden Song le 15 avril au Centre d'art. Et on va écouter un extrait, parce que là, malheureusement, dans le cas du plus récent disque, Boundaries, c'est une seule pièce de 36 minutes. On va en écouter un extrait si on ne veut pas tout gruger notre émission avec un seul disque. Donc, ce soir, on ouvre avec The Nightwatch, qui sera à Québec le 15 avril avec Eden Song. We'll be right back.

Yeah! Nouveauté qui nous vient d'Allemagne, Project Patchwork 2, parce que c'est leur deuxième disque. C'est un duo de musiciens allemands. Et pour ce nouveau disque, ils ont choisi de l'appeler Reflection. Et une vingtaine, je vous dirais peut-être 20 à 30 invités sur ce disque. Et bon, il y en a qu'on connaît peut-être, comme vous allez sûrement reconnaître John Mitchell, The Frost It Bites Arena. Et peut-être aussi, là, je regarde, il y a beaucoup de musiciens allemands que, bon, comme Marcus Stephen de Subsignal. Ça, j'avoue que je ne suis pas familier avec ce groupe. Le Toxic Smile, oui, ça, ça va. Et enfin, bon, c'est ça, ça vient de sortir. Pas mal bon. Enfin, moi, j'en suis juste à deux écoutes, c'est que je peux pas. Mais déjà, j'ai un très bon feeling sur ce disque. Project Patchwork 2, Reflection. Tout juste avant, on avait des Polonais avec Pin Drop, P-I-N-N-D-R-O-P-P, de l'album. C'est plutôt un EP, excusez l'anglicisme, là, un mini-album qui a pour titre Reverse, Reunited et Retreat. Et on avait donné le coup d'envoi ce soir avec The Nightwatch Boundaries, le groupe. Oui, Bruno, merci. Bruno me fait signe que je parle trop. Très sympathique, Bruno. Donc, oui, c'est ça, The Nightwatch qui sera à Québec le 15 avril avec Eden Song. On s'en va avec, du côté de quelques messages d'intérêt public et on vous revient après avec une nouveauté allemande de Frequency Drift. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. À découvrir sur la fabrique culturelle. C'est un travail qui, j'ai discuté avec un joaillier récemment, ça s'apparente quand même un peu à la joaillerie dans le fer, dans le sens où est-ce que c'est un travail avec du fil, tout ça. Puis, Le savoir-faire en fil de fer avec l'artiste sculpteur Claude-Olivier Gué. Holos, c'est entre 3 et 4 ans de travail, c'est 3 paires de pinces brisées à force de travailler. Donc, ma petite victoire personnelle sur l'acier chinois, peut-être. Tous les talents d'ici, une seule adresse. La Fabrique culturelle.tv. CKRL 89.1. We'll be right back. plate and every car. And to take revenge for her defies, she crawls into her master's spine. And vanished in its dirge. Maybe it's closer than we think. Maybe you just know it once you sink. Your life a new design. Don't Silent, with just a hint of mayhem. Yeah.

set it free. Tell me what to do, who to be. 89.1. En 1978, le ministère de l'Environnement statuait que les activités industrielles au port de Québec constituaient une source de contamination pour l'air de la ville. Mais vous n'avez pas de regret, hein, M. Girard? Ça fait un mois que vous dites aux gens de Limoilou, c'est pas nous autres, c'est pas le port. Là, ça sort, le rapport, c'est vous. Il y a des jours où je suis plus choquée contre Arrimage puis contre le port de Québec parce que c'est eux qui produisent la contamination. Puis il y a des fois, je suis encore plus choquée contre les autorités parce que eux, leur mission au quotidien, c'est de protéger la population, pas l'entreprise. Le gros de l'histoire, c'est que c'est pas assez étanche puis de la poussière de nickel qui se ramasse effectivement dans l'air. C'est pas tellement qu'il manque des lois et des règlements en matière d'environnement, il manque la volonté politique de les appliquer. La compagnie joue à l'autruche, la santé publique puis le ministère de l'Environnement, ben, vont pas jusqu'au bout de leur pouvoir. Monsieur le ministre, il est temps de se déniaiser, c'est-tu assez clair? Le film documentaire Bras de fer, à l'affiche au cinéma Le Clap, dès le 9 mars. De retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. On a conclu le deuxième bloc musical avec Defining Opera de l'album Let Silent Fall. On avait aussi The Samurai of Prague de leur plus récent. C'était la pièce instrumentale de l'album. Et avant, on avait, ça c'est assez curieux, c'est un, ça vient de sortir en Italie. Ça s'appelle A Tribute to the Mad Men. Et c'est un disque hommage, un coffret de trois disques, hommage à Mark Bolan de T-Rex et David Bowie, et avec une multitude de musiciens italiens. Moi, j'ai choisi, parce que j'adore ce groupe, c'est la Fabrica dell'Absoluto. On attend d'ailleurs leur second disque avec impatience. Eux ont repris une pièce de David Bowie, c'est Big Brother. Avant, on avait Professor Tip Top, nos Norvégiens, avec Are You Empirical? C'est leur deuxième album. Un disque pas très facile à trouver, je vous le dis tout de suite. Et Frequency Drift, Letters to Marrow. Ça, c'est un album qui devrait paraître, je pense, le 14 avril, donc c'est dans quelques semaines. C'est un premier extrait, on va probablement repasser. Et moi, j'adore ce groupe-là, là, un beau mélange de prog, folk, avec la chanteuse, évidemment. Là, qui... Enfin, j'adore. Et puis, on va aller... Ben, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos d'autres? Là, de... Ah, Professeur Tip Top, oui, juste un mot en passant, parce qu'il y en a qui se posent la question... Pourquoi avoir choisi un nom aussi étrange? Eh bien, j'ai eu la version du guitariste lui-même. Et puis, l'histoire derrière le nom est assez étrange. Apparemment, ce serait en Norvège, c'est le nom d'une colle pour réparer les crevaisons de bicyclette, de pneus de bicyclette, croyez-le ou non. Donc, et pourquoi professeur avant? C'est que... Suite à une discussion avec quelqu'un qui avait eu la mauvaise idée de réparer son pneu de bicyclette dans une pièce fermée, il a été comme victime des vapeurs de cette colle et vapeurs assez apparemment c'est assez actif et dangereux et le monsieur en question aurait fait comme une espèce de trip quasiment de LSD avec ça et il avait comme l'impression qu'il savait tout et qu'il connaissait tout. Donc, comme un professeur. Donc, de là, le nom Professeur Tip Top, c'est vraiment c'est une drôle d'anecdote. Mais ça me vient du guitariste de Professeur Tip Top. Donc, c'est crédible 100%. Oui, donc on continue sur cette petite parenthèse avec Pin Drop qu'on a eu l'occasion d'entendre au début de l'émission. C'est une nouveauté polonaise d'un extended play EP Retreat et Reunited. We'll be right back. the other side of me. When days are too long. Going wrong, I raise my past. Le Radiothon de CKRL, c'est les 6, 7 et 8 avril prochains. L'objectif est de 42 000 $. Contribuez à la mise en œuvre des activités de votre radio communautaire en achetant la carte de membre pour 25 $ seulement. En devenant membre avant le 6 avril, vous pourriez gagner un certificat cadeau de 150 $ à la boutique Le Pédalier. Devenez membre aujourd'hui! Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201. Ou encore, passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Vous écoutez CKRL 89.1. Bon, mais qu'est-ce qui a joué dans la dernière demi-heure? On va jeter un petit coup d'œil. Il y avait, en finale, c'était un duo écossais qui a pour nom Midas Fall de leur nouvel album Evaporate. Après ça, ça nous vient de la Norvège. On en a passé à quelques reprises. C'est évidemment pour tous ceux qui aiment Anekdoten, Anglagarde et compagnie. C'est en plein dans le filon. Ça s'appelle George Show. J-O-R-D-S-J-O, et c'est l'album Jord. Et on avait donné le coup d'envoi de ce bloc avec Pin Drop, ça nous vient de Pologne, un EP qui a pour titre Reverse, Retreat et Reunited. Dernière demi-heure, on va aller faire un petit tour. J'ai de la misère à me relire, ça n'a pas de bon ça. Au secours. On s'en va du côté de la Norvège avec encore notre groupe fétiche de Pimboum, Professeur Tip Top, de leur dernier album. Et on a encore quelques surprises là, d'ici minuit. Et après ça, mais c'est Jacques qui prend la relève avec l'autoroute. A piece of your DNA. From the ashes